Chapitre 2. Le retour. Les portes d'Islaine s'ouvrirent brusquement, et une profusion extraordinaire de bougies produisit dans le vestibule l'effet du plus beau jour. Deux domestiques en livrée se tenaient au bas de l'escalier. L'un d'eux s'avança au-devant de Lady Isabelle et l'aida à descendre de voiture. Lady Isabelle entra seule dans la maison. Le premier visage qui se présenta à elle fut celui de Pierre, le vieux et fidèle serviteur. Oh, cela lui parut étrange. Vraiment étrange de ne pouvoir lui dire « Pierre, comment allez-vous » Tout d'abord, en pénétrant dans cette demeure, la sienne autrefois, elle éprouva un de ces frissons qui sont à eux seuls une émotion puissante. Elle ne sut que dire, que faire. La voix lui manquait, et ses manières devinrent gauches, embarrassées. « Monsieur Carlyle est-il chez lui » hasarda-t-elle enfin. « Oui, madame, » répliqua Pierre, mais à ce moment Joyce accourut pour offrir ses services. « C'est à Madame Vine, sans doute, que j'ai l'honneur de parler, » fit-elle d'un ton respectueux. « Voulez-vous avoir l'obligeance de me suivre ?» Isabelle ne pouvait faire un pas, tant son cœur battait avec force. Elle tourna les yeux vers le perron, comme pour indiquer qu'elle attendait ses mâles. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Stephen, le domestique, après avoir déchargé la voiture, eut bientôt rentré le bagage. Joyce conduisit alors l'institutrice dans une petite pièce où brûlait un bon feu. « C'est votre chambre particulière, madame, » fit la servante. « Voulez-vous prendre quelque chose ?»« Du thé et une rôtie, » répliqua Isabelle. Joyce tira la sonnette et donna l'ordre pour que l'on apportât le thé et la rôtie. Puis elle proposa à Lady Isabelle de l'amener à sa chambre à coucher. Isabelle monta l'escalier, précédée par Joyce. Son pauvre cœur battait avec force. Arrivée au premier étage, elle s'arrêta un moment sur le palier comme pour reprendre haleine. Elle put alors jeter à la dérobée un coup d'œil dans son ancienne chambre à coucher. La porte en était grande ouverte. Tout y était encore comme au jour de son départ. Les flammes vives et légères, les champs de ci, de là, les parois du foyer, éclairaient d'une lueur joyeuse l'ameublement entier. De même qu'autrefois, la superbe toilette adossée contre la muraille était ornée de petites boîtes en argent, de carrés, de fioles à parfum, de flacons en cristal de roche et d'objets destinés à la parure d'une femme. Sur le sofa, il y avait un châle ainsi qu'un livre entr'ouvert. Sur le lit, il y avait une jupe de soie et un corsage jeté là avec négligence. Isabelle détourna vivement les yeux de ce sanctuaire, maintenant à tout jamais fermé pour elle. Il se remit à suivre Joyce, qui lui fit voir la chambre que dorénavant elle allait occuper. C'était une jolie pièce, confortablement meublée. Mademoiselle Carlyle l'avait habitée jadis au premier jour du mariage d'Isabelle. Voulez-vous que je fasse faire du feu, madame ? Demanda Joyce en plaçant sur une console le bougeoir qu'elle tenait à la main. « Non, merci, » fut la réponse. Stephens, aidé d'un autre domestique, entra dans ce moment avec les mâles. Joyce se tourna de nouveau vers Isabelle, qui, debout et immobile comme une statue de pierre, semblait perdue dans ses propres pensées. « Puis-je vous être d'aucune utilité, madame ? » demanda la servante. Lady Isabelle fit de la tête un signe négatif. Elle ne souhaitait qu'une chose, qu'on la laissât seule. Son esprit était bouleversé. Elle commença à sentir combien sa position était fausse, et la crainte d'être reconnue lui donnait le vertige. « Si vous avez besoin de quelqu'un, » poursuivit Joyce, « veuillez sonner. Et Anna, celle qui est chargée de vous servir, viendra sur le champ. » Joyce se retira. Mais à peine était-elle sortie que la porte s'ouvrit de nouveau. Lady Isabelle, qui venait d'ôter son chapeau, le remit à la hâte. « Pardon, madame, » s'écria Joyce, car c'était elle qui revenait ainsi. « Pensez-vous qu'il vous soit possible de retrouver seule votre chemin dans la maison ?»« Oui, oui, » fit-elle avec agitation. « Elle, trouver son chemin dans cette maison, quelle question !» Et combien cela dut lui paraître étrange de se l'entendre adresser. Pauvre femme, tout son corps frissonne, et bien qu'elle soit seule à présent dans sa chambre, sa frayeur est si grande qu'elle ose à peine se déshabiller. Mais à quoi bon hésiter encore? Peut-elle reculer maintenant? Non. Cela est impossible. Il lui faut de toute nécessité accepter sa position actuelle, remplir tant bien que mal le rôle qu'elle s'est donné, cacher le mieux possible les inquiétudes qu'elle éprouve, avoir recours enfin à la dissimulation, à la feinte, à la ruse, pour tromper tous ceux avec qui elle va vivre, pour détourner tous les soupçons. Mais comment étouffer les sanglots qui oppressent sa poitrine? Que d'efforts surhumains pour arriver à ce but! Pour demeurer toujours et sans cesse maîtresse de ses émotions, pour ne jamais se trahir. Elle le sentait à cette heure, oh oui, elle le sentait vivement, la malheureuse Isabelle, et c'est pourquoi ses genoux fléchirent, sa tête se courba, ses mains se croisèrent, et de ses lèvres s'échappa une prière à Dieu, une prière par laquelle elle demandait du courage et de la résignation. Elle se releva plus forte, car ce n'est jamais en vain que le cœur oppressé s'épanche auprès de Dieu. Elle prit son bougeoir à la main et descendit l'escalier pour se rendre dans la petite chambre où l'on avait préparé le thé. Sur la table était un plateau recouvert d'une serviette damassée, et sur ce plateau se trouvait la bouillotte pleine d'eau, la théière et le sucrier d'argent. Ces objets lui étaient familiers, et rien qu'en les voyant, mille souvenirs du passé firent invasion dans son cœur. Elle s'assit, s'apprêtant à prendre son repas. Mais elle était trop émue et trop agitée pour songer à manger. Sa tête était en feu, et sa pensée inquiète, traversant les murailles, errait à travers le château d'Islein. Elle se demandait avec une pénible anxiété où pouvait être Carlyle à cette heure, où pouvaient être ses enfants. De temps en temps, le coup d'une sonnette retentissait à ses oreilles, puis, sur les dalles du vestibule, elle entendait marcher les gens de la maison. Machinalement, elle frappa d'un coup sec le timbre qui se trouvait sur la table, et Anna, la servante, entra aussitôt et sortit de nouveau, emportant avec elle le plateau selon l'ordre qui venait de lui être donné. De nouveau, Lady Isabelle demeura seule, et moitié assoupie, moitié veillée, sa pensée, battant de l'aile le souffle de son cœur, se mit en quête de ce qu'elle désirait en reboire. Où était-il? Que faisait-il? Tout à coup, elle bondit sur le fauteuil où elle s'était assise. Tout son être tressaillit, comme sous l'influence d'une commotion électrique. Qu'était-il donc survenu pour l'agiter à ce point? Là, tout près de la pièce où elle gémissait en silence, des voix se faisaient entendre, des voix d'enfants, fraîches et douces. Ses enfants, c'étaient les siens. Allait-il entrer? Allait-elle les revoir? Elle appuya sa main sur son cœur, comme pour en comprimer les battements trop précipités. Non, elle ne devait pas les revoir encore. Ils ne faisaient que passer dans le corridor, se rendant à leur chambre à coucher. Lady Isabelle prêta une oreille attentive. Elle les entendit monter l'escalier, et bientôt dans la maison, tout redevint calme et silencieux. Elle prit sa montre et la regarda. Il était 7h30. Cette montre, ce n'était plus la même qu'elle portait autrefois. De tous les ornements qui jadis lui servaient de parure, deux seuls lui restaient à présent. Un médaillon, renfermant le portrait de sa mère, et une croix avec 7 émeraudes serties dans un réseau d'or. Cette croix, vous devez vous en souvenir, lecteur, c'est celle que, par malencontreux accident, Francis Levison brisa lors de sa première rencontre avec Lady Isabelle. Isabelle n'avait pas voulu s'en séparer de cette croix, pas plus que du médaillon. Ces deux objets, elle les avait conservés précieusement, et ils étaient maintenant enveloppés avec soin et cachés dans le fond de son nécessaire. « Madame, » fit Pierre en se présentant subitement devant Lady Isabelle, « si vous voulez bien passer au salon, ma maîtresse sera heureuse de vous recevoir. Elle m'a chargé de vous le dire. » Lady Isabelle fut prise d'un éblouissement. Le moment du danger était donc arrivé. Par un effort suprême, elle imposa silence à son cœur et, baissant la tête pour cacher son émotion, elle se mit en mesure de suivre le vieux serviteur. « Madame Carlyle est-elle seule ? » demanda-t-elle en tremblant. « Oui, madame. Mon maître n'a pas de ligne à la maison aujourd'hui. Quel nom annoncerai-je » ajouta-t-il en arrivant devant le salon. « Madame Vine, s'il vous plaît. » Pierre ouvrit la porte et fit entrer Lady Isabelle. Assise près du manteau de la cheminée se trouvait Barbara. À la voir ainsi, son gracieux visage éclairé par la douce lueur des bougies, elle ne paraissait pas avoir vieilli d'une heure depuis le jour où Isabelle l'avait pour la première fois rencontrée devant l'église. Depuis ce jour où, frappée de sa beauté, elle avait demandé à Carlyle qui elle était. Elle lui semblait plus belle que jamais, avec sa robe de soie bleu pâle, avec cette chaînette d'or qui entourait son cou et ses jolis bracelets qu'elle portait à ses bras. Tous ses traits avaient conservé leur pureté d'autrefois. Ses joues étaient fraîches et légèrement colorées, ses yeux étincelaient de joie, et sa chevelure abondante parlait encore de jeunesse et d'amour. Barbara se leva et alla au-devant de l'institutrice. « J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué, » fit-elle en lui serrant affectueusement la main. Lady Isabelle eut quelque peine à formuler une réponse, tant était vive l'agitation qu'elle ressentait. Elle alla s'asseoir à l'autre coin de la cheminée, en ayant soin de reculer quelque peu le fauteuil qui lui était offert afin d'éviter que son visage ne fût trop éclairé par les flammes du foyer et la lumière des candélabres. « Vous n'êtes pas malade, » reprit Barbara, qui n'avait pu s'empêcher de remarquer l'étrange pâleur de sa figure. « Non, » répliqua Isabelle à voix basse, « mais je me sens fatiguée. Peut-être alors préféreriez-vous entendre demain ce que j'ai à vous dire. Oh non !» interjeta vivement la pauvre Isabelle. « qui avait hâte d'être mise au courant des devoirs, qu'elle allait être appelée à remplir. « Veuillez ne pas faire attention à ma pâleur. Cette pâleur m'est habituelle, mais je ne suis pas malade. J'espère que vous vous plairez ici, » poursuivait alors Barbara. « Avez-vous beaucoup vécu en Angleterre ?»« Oui, autrefois, alors que j'étais jeune fille. » »« J'appris que vous aviez perdu votre mari, vos enfants. » »« Oui, je les ai perdus, » balbutia Isabelle. « Je vous plains sincèrement. Cela doit être affreux de voir mourir ses enfants. J'en ai un, et si je venais à le perdre, je ne pourrais lui survivre. » « Mais dites-moi, » continua Barbara, « Madame Latimer a dû vous apprendre quelle serait ici votre tâche. Vous savez que mon mari a eu des enfants d'un premier lit. Vous savez aussi sans doute que ces pauvres enfants ont été abandonnés de leur mère. »« Elle est morte, » interrompit Isabelle, qui voulait éviter cette conversation. « C'était la fille de Lord Mountsevern, » continua Barbara. « Elle était belle et séduisante, mais j'ai eu lieu de croire qu'elle était peu attachée à son mari. Toujours est-il qu'elle s'est enfuie de la maison conjugale. » C'était mal, interjeta Lady Isabelle, qui sentait que pour ne pas éveiller les soupçons, elle ne devait pas rester plus longtemps silencieuse. Dites plutôt que c'était infâme, ajouta vivement Barbara. Oui, infâme, répéta-t-elle, car M. Carlyle ne méritait nullement un tel acte d'ingratitude. Il n'y avait nullement donné naissance. M. Carlyle est un cœur droit et honnête, une âme élevée et généreuse. Vous ne tarderez pas à vous en convaincre par vous-même. On n'a jamais pu s'expliquer pourquoi Lady Isabelle s'est enfuie de la sorte. C'est avec un nommé Francis Levison qu'elle est partie. Madame Vine s'efforçait de demeurer calme, et d'une main crispée et tremblante, elle tourmentait ses besicles. La honte d'une pareille conduite, poursuivit Barbara, rejaillira nécessairement sur les enfants. Ces pauvres enfants, ils s'obstinent à parler de leur mère. Mais il faudra vous appliquer, chère madame, à la leur faire oublier, à les empêcher de penser à elle. « Est-ce là le désir de M. Carlyle ?» hasarda l'institutrice. « Certainement, » répliqua Barbara, « et cela me paraît assez naturel. De plus, vous aurez inculqué à la petite fille des principes religieux qui un jour peut-être pourront l'empêcher de suivre l'exemple de sa mère. »« Je m'y engage, » fit Isabelle d'une voix douce mais profondément émue. « Les enfants sont-ils souvent avec vous ?» ajouta-t-elle. « Non. Je suis d'avis que jusqu'à un certain âge, il vaut mieux que les enfants soient isolés de leur mère. » Comprenez-moi bien, cependant, je ne veux pas dire par là que nous devions les abandonner entièrement aux soins d'une gouvernante ou des domestiques. Non, je n'ai nulle sympathie pour la mère qui néglige ses petits et qui se lance éperdument dans les joies et les folies du monde. Mais je blâme néanmoins celle qui a sans cesse ses enfants autour d'elle, qui ne peut faire un pas sans eux, qui les habille, les lave, les nourrit, en un mot, qui se fait leur esclave. Cela n'aboutit à rien de bon. Les enfants, en grandissant, éprouvent de grandes difficultés à se défaire des habitudes qu'ils ont contractées. Ils deviennent exigeants, maussades et revêches, et la mère, qui jusqu'alors ne leur a donné que des soins matériels et domestiques, n'a plus l'autorité qu'il lui faudrait pour diriger leur esprit et discipliner leur cœur. La mère finit elle-même par perdre patience. Elle bouscule ses enfants, elle les tape, elle les fouette. Ceux-ci, naturellement, poussent des cris à fendre les oreilles, et le pauvre mari, témoin perpétuel de ces scènes lamentables, finit par prendre en grippe les enfants de la mère. Il se fatigue de cet intérieur où il n'entend que des cris aériens. Son caractère s'aigrit, son cœur s'endurcit, et il va chercher ailleurs, hors de la maison, les distractions, le repos et la paix qu'il n'a pu trouver chez lui. Selon moi, le devoir, le grand devoir d'une mère, c'est de faire l'éducation morale et spirituelle de ses enfants. C'est d'inculquer à ces derniers des sentiments d'honneur et de probité, de leur donner des principes religieux. N'êtes-vous au point de cet avis ? Lady Isabelle courba la tête en signe d'assentiment. À mon arrivée à Eastline, poursuivit Barbara, je m'aperçus que Mademoiselle Manning, l'institutrice que vous remplacez, dirigeait parfaitement l'éducation des enfants. Je n'ai nul doute que vous continuiez à suivre exactement le système que nous avons adopté. C'est à vous que revient spécialement la charge d'élever la petite fille. Elle sera presque toujours avec vous. Oui, je sais cela, fit Isabelle, dont le cœur battait avec précipitation. Les enfants jouissent-ils ordinairement d'une bonne santé ? Leur santé est parfaite. Au printemps dernier, William a eu la rougeole, et à la suite de cette maladie, il a été pris d'une toux qui persiste encore. « Ah, il tousse !» s'écria Isabelle avec douleur. « Oui, surtout la nuit et le matin, en s'éveillant. »« Pensez-vous qu'il soit poitrinaire ?» demanda Isabelle avec hésitation. « Je n'ai nulle raison de le supposer, » répliqua Barbara. « Dans tous les cas, cette maladie chez lui ne saurait être héréditaire, du moins j'en ai la certitude du côté de son père. Quant à sa mère, elle est morte fort jeune, il est vrai, mais elle est morte déçue d'un accident arrivé sur un chemin de fer. Combien avez-vous eu d'enfants ? Cette question, faite un brûle-pourpoint, faillit faire perdre contenance à Lady Isabelle. Elle demeura un moment comme interdite, ne sachant que répondre, enfin surmontant son trouble et son embarras. « 3, dit-elle, et un quatrième qui est mort tout jeune, ajouta-t-elle vivement en se reprenant. « Ainsi donc, vous avez perdu 4 enfants ?» continua Barbara. « Mais c'est affreux cela, de quoi sont-ils morts ?» Lady Isabelle fut de nouveau en proie à la plus grande perplexité. « Ils sont morts de différentes maladies, » balbutia-t-elle, « avant leur père. » poursuivit Barbara. « Oui, oui, avant leur père, » répéta Isabelle, tout en essuyant les grosses gouttes de sueur qui tombaient de son front. Barbara ne put s'empêcher de remarquer l'émotion de l'institutrice, émotion dont elle attribua la cause au souvenir pénible qu'elle venait de réveiller. Elle laissa donc de côté ce sujet de conversation. « Madame Latimer, » reprit-elle après un moment de silence, « m'annoncez que vous êtes une personne de bonne naissance, que vous appartenez à une famille distinguée. Vous voudrez bien m'excuser si je vous adresse cette question, mais vous devez en comprendre la portée. On aime à connaître les personnes que l'on abrite sous son toit. Je suis en effet une personne de bonne naissance, » répliqua froidement Isabelle. « J'en ai la conviction, » poursuivit Barbara. « Ce sont sans doute des revers de fortune qui vous ont ainsi fait sortir de votre sphère, car je ne puis supposer que vous ayez été élevée pour être institutrice. » « Non, je n'étais pas née pour être institutrice, » répondit avec un sourire forcé et plein d'amertume la fille de Lord Mountsovern. « Votre mari ne vous a laissé aucune fortune ?»« Aucune. J'ai tout perdu le jour où je l'ai perdu. » Il eut un moment de silence. Barbara devinait quelque amère douleur, quelque sombre histoire, quelque accident fatal dans la vie de cette femme, mais elle n'osait plus la questionner. Une servante entr'ouvrit la porte du salon. « Madame, si vous désirez monter, l'enfant est déshabillé. » Madame Carlyle se leva comme pour sortir, mais s'asseyant de nouveau. « Non, » dit-elle à la servante, « je ne monterai pas qu'on me descende l'enfant. C'est l'heure à laquelle soupe mon bébé, » ajouta-t-elle en se tournant vers Isabelle, « et puisque M. Carlyle n'est pas à la maison ce soir, j'aime autant que l'on m'apporte ici la petite créature. » Wilson ne tarda pas à arriver avec l'enfant qu'elle plaça sur les genoux de Madame Carlyle. C'était un bel enfant, gros et gras, aux yeux bleus, et qui remuait ses petites mains et ses petites jambes avec une vivacité merveilleuse. Il n'était âgé que de 6 mois, mais au dire de la mère, il avait tout l'esprit et toute l'intelligence d'un homme. Wilson dévorait Isabelle du regard. Jamais elle n'avait vu femme plus laide et plus disgraciée de la nature. Les besicles aux verres bleus étaient, selon elle, tout ce qu'il y avait de plus affreux. Et quant aux vêtements, elle se demandait avec curiosité d'où ils pouvaient provenir, tant la forme et la coupe lui semblaient ridicules. Quand elle eut bien examiné Lady Isabelle de la tête aux pieds, elle se retira morne et stupéfaite. Madame Carlyle fit alors sauter l'enfant sur ses genoux, le pressa contre sa poitrine de mère, le couvrit de baisers amoureux. Puis, se levant, en tenant le marmot debout dans ses bras, elle s'approcha de Lady Isabelle. « Avez-vous jamais vu un enfant aussi beau ? » s'écria-t-elle. « C'est en effet un bien bel enfant, » s'efforça de répondre Isabelle. « Mais permettez-moi de vous le dire, madame, il ne vous ressemble nullement. »« Non, je le sais, » interrompit Barbara. « C'est le portrait vivant du père, de mon bien-aimé époux. « Monsieur Carlyle, alors, doit être un bien bel homme ?» se hasarda à ajouter la pauvre institutrice. « Oh oui, il est beau, très beau, » reprit Barbara. « Mais il est encore plus que cela, il est bon, il est généreux et noble, il est respecté de tous. Plus encore, il est aimé de tous ceux qui le connaissent. Voyez-vous, » ajouta-t-elle avec enthousiasme, « l'on ne comprend pas dans le pays comment sa première femme a pu l'abandonner, comment elle a pu se résoudre à aimer un autre homme. » Lady Isabelle bondit sur son fauteuil en poussant un de ses sourds gémissements qui crient et s'éteignent dans les profondeurs de la poitrine. « Mais tenez, » continua Barbara en penchant la tête comme si elle écoutait, « tenez, le voici si je ne me trompe. » « Oui, c'est bien sa petite voiture qui vient de s'arrêter à la porte. » Comment exprimer ce qu'éprouva en ce moment à l'ouïe de cette nouvelle le cœur de la malheureuse femme ? Isabelle entendit monter Carlyle. Elle reconnut le bruit de ses pas. Elle le vit apparaître de nouveau devant elle, puis, oh, comment dépeindre cette scène, cette douleur ? Elle le reconnut, et ses yeux jaloux et fiévreux se fermèrent un instant en entendant le doux retentissement du baiser d'amour qu'il alla déposer sur les lèvres de sa rivale. Dans son empressement à se rendre auprès de sa femme et à embrasser son enfant, Carlyle n'avait, pour ainsi dire, pas remarqué la présence de l'institutrice. Barbara s'empressa de lui faire comprendre cet oubli de sa part en lui présentant Madame Vine. Carlyle se tourna vers elle en s'excusant de son mieux. Ses yeux semblaient s'arrêter sur elle avec étonnement et curiosité. Puis tout à coup, il fit un pas en avant et lui tendit cordialement la main, lui fêtant la bienvenue par quelques bonnes paroles échappées de son cœur. Lady Isabelle s'était spontanément levée à son approche, mais elle avait peine à se tenir debout, tant elle tremblait, tant elle craignait d'être reconnue. Elle prit néanmoins la main qu'on lui offrait. Cette main qui, jadis, avait si souvent pressé les siennes, elle la serra doucement, respectueusement, et brisée par l'émotion, elle s'affaissa lentement sur son fauteuil. Carlyle ne put s'empêcher d'être frappé de l'air maladif et surtout de l'étrange pâleur de la nouvelle venue. Il lui adressa quelques questions au sujet de sa santé et des fatigues qu'elle avait dû endurer pendant le voyage. Mais elle, peu désireuse sans doute de prolonger cette première et pénible entrevue, ne lui fit que de courtes réponses. S'efforçant de cacher son trouble et évitant autant que possible que ce regard ne rencontrât le sien. Le bébé, pendant ce temps, sautait sur les genoux de Barbara, poussant des cris à rompre les oreilles. « Ah ça !» fit subitement Carlyle en se tournant vers lui. « Il me semble, mon jeune gaillard, qu'il est bien temps de vous aller coucher. » L'enfant, comme s'il avait compris, cacha sa blonde figure dans le sein de sa mère. Puis, comme s'il avait trouvé là un asile inviolable, il releva sa petite tête et porta sur son père un regard impudent. Carlyle le prit dans ses bras, le fit sauter plusieurs fois devant la glace, et se tournant ensuite du côté de Lady Isabelle, témoin passible de ses joies domestiques. « C'est un bel enfant, n'est-il pas vrai, Madame Vine ?»« Il est bien beau, en effet, » répliqua Isabelle. « Quel est son nom ?»« Arthur. »« Arthur Archibald, » se hâta d'ajouter Barbara. « Voyez-vous, Madame Vine, » continua-t-elle, « j'aurais voulu qu'il fût appelé Archibald, mais malheureusement, un autre enfant avait déjà accaparé ce nom. » Wilson vint en ce moment chercher l'enfant pour le mettre au lit. Elle jeta de nouveau un regard scrutateur sur Lady Isabelle, prit le bébé des bras de Carlyle et s'en alla, non toutefois sans se retourner à plusieurs reprises pour contempler encore le singulier visage de l'institutrice. À peine fut-elle sortie que Lady Isabelle se leva pour se retirer à son tour. Barbara lui serra amicalement la main et Carlyle lui souhaita le bonsoir après l'avoir conduite jusqu'à la porte. « Eh bien !» fit Barbara dès qu'elle se vit seule avec son mari. « Elle est assez originale, que vous ensemble. En vérité, je ne la comprends point, et j'ai peine à m'expliquer pourquoi elle porte ces affreuses besicles. » Ça lui donne un air parfaitement ridicule. « C'est étonnant, » murmura Carlyle d'un ton rêveur et comme s'il se parlait à lui-même. « C'est étonnant, » répéta-t-il, « il y a un je ne sais quoi dans la coupe de son visage qui me rappelle... »« Qui vous rappelle quoi ?» insista Barbara. Il s'arrêta subitement souriant avec douleur. « Oh, rien, rien !» répliqua-t-il avec effort. C'était une idée absurde, extravagante, Barbara. Parlons d'autre chose.